se parle, on se ment. Dès le premier épisode, on se trahit en s'aimant. Le monde est une triste pièce de théâtre où l'on se sourit tout en saignant. La rue est une putain d'école dans une putain d'époque où y a pas d'enseignants, où tous tes potes te collent à la peau sans aimant, te poussent vers la falaise d'où tu sautes sans élan. Nos rêves sont des châteaux de garde dont on espère qu'ils survivent à l'abri du vent, à miser dans l'espoir qu'à la fin de l'histoire tu n'es pas fait que croire que gagner prend du temps. Quel est le faux qui en avait l'air? T'as rien donné mais qui avait l'air? Que dire de plus, les voyait comme sombre fils de pute pour qu'au final ils s'en avéraient. T'as des amis mais t'es solitaire. La vie une pute mais bon faut y faire. T'es qu'un putain de soliste qui joue pas les bonnes notes, avançant les sous-titres mais reste solide frère. Te sens comme louche et vétérinaire. Vis au jour le jour comme intérimaire. Puis tu fais du solfège sur des notes de 200. Car tu sais qu'ici haine est héréditaire. Mais toi t'as pas compris. Rien que tu recherches des likes. La gloire a son prix. Tu vieillis comme tes Nike. Vivre riche et vieux, bah tu dis que c'est ça l'idée. Tu crois en Dieu mais pense qu'argent peut valider. T'as qu'à foi mais veut foutre les feux, Johnny Hallyday. Mourir en ces lieux car ton temps tu l'as lapidé. Vivre riche et vieux, bah tu dis que c'est ça l'idée. Tu crois en Dieu mais pense qu'argent peut valider. T'as qu'à foi mais veut foutre les feux, Johnny Hallyday. Mourir en ces lieux car ton temps tu l'as lapidé. T'avancerais, tu sais pas comment ça va finir. Les années vous séparent mais toi tu t'y fais pas. Pour tout changer c'est tard, vois la ligne d'arrivée. T'es perdu dès le départ. T'es perdu dès le départ. Tant il t'a du l'air, vu la lumière briller. Au final t'annulais, rien ne sert de vriller. Hier tu étais quelqu'un, demain t'es plus personne. Ton place dans l'annuaire. A chaque pote qui souffre se rassure, se dit que demain tout ira mieux. A chaque porte qui s'ouvre se lasse mais se dit que peut-être on vivra vieux. On vivra vieux. La terre n'est qu'une boule qui tourne sur elle, au fond qui dira mieux. Qui dira mieux. En vérité on coule, on finit par se noyer mais sans dire adieu. Mais sans sur la route de la vie à casser les barrières, tout ça pour finir dans le fossé. Puis on vit des erreurs qui ne sont pas les nôtres mais les leurs qu'on finit souvent par endosser. Par cette vieille pute que t'as engrossée. Au final la vie t'a crossé, désolé je suis grossier. T'as des rêves que tu laisses au vestiaire car au final tu te lèves juste pour aller bosser. Mais toi t'as pas compris, rien que tu recherches des likes. Non. La gloire a son prix, tu vieillis comme tes Nike. Non. Vivre riche et vieux, bah tu dis que c'est ça l'idée. Tu crois en Dieu mais pense qu'argent peut valider. T'as qu'à foi mais veut foutre les feux, Johnny Hallyday. Mourir en ces lieux car ton temps tu l'as lapidé. Vivre riche et vieux, bah tu dis que c'est ça l'idée. Tu crois en Dieu mais pense qu'argent peut valider. T'as qu'à foi mais veut foutre les feux, Johnny Hallyday. Mourir en ces lieux car ton temps tu l'as lapidé.